Alors, pour vous faire un peu entendre la langue, je vais lire, j'ai pas un accent allemand parfait, mais j'ai quand même amené le livre Maîtres anciens en allemand pour vous lire juste un tout petit passage, faire sonner la langue de Thomas Bernhard, de Altmeister, donc ça c'est le titre allemand. Altmeister, donc peut-être vite fait, l'histoire, c'est simplement quelqu'un qui s'appelle Rega et qui est devant un tableau dans le Kunsthistorisches Museum de Vienne, devant un tableau de Tintoret, l'homme à la barbe blanche, et tout se passe comme ça autour de cette contemplation du tableau et de tout ce que Rega, donc qui est un intellectuel critique d'art, artiste, peut dire d'extrêmement acerbe et difficile sur... autour de l'art, donc beaucoup de provocations, mais aussi beaucoup de vérités qui sortent par la provocation chez Thomas Bernhard. C'est un tout petit extrait. Wer alles liest, hat nichts begriffen, sagte er. Es ist nicht notwendig, den ganzen Goethe zu lesen, den ganzen Kant, auch nicht notwendig, den ganzen Schopenhauer, ein paar Seiten Werther, ein paar Seiten Wahlverwandtschaften, und wir wissen am Ende mehr über den beiden Bücher, als wenn wir sie vom Anfang zum Ende gelesen hätten, was uns in jedem Fall zum das reinste Vergnügen bringt. Aber zu dieser drastischen Selbstbeschränkung gehört so viel Mut und so viel Geisteskraft, dass sie nun sehr selten aufgebracht werden kann und dass wir selbst sie nur selten aufbringen. Selbst eine philosophische Abhandlung verstehen wir besser, wenn wir sie nicht zur Gänze auffressen in einem Zug, sondern uns nur ein Detail herauspicken, von welchem wir dann auf das Ganze kommen, wenn wir Glück haben. Voilà, donc ça c'est un petit extrait qui dit juste une chose dont je reparlerai tout à l'heure. Bon, les germanistes ont peut-être compris mon charabia, mais qui dit juste que c'est dans le détail qu'on comprend le tout. Et que donc, c'est pas la peine. Alors, moi, ça me fait très plaisir, parce que j'ai jamais tellement le loisir et le plaisir de lire un livre en entier. C'est pas la peine de lire une œuvre en entier pour comprendre. On prend une petite partie d'une œuvre et on comprend le tout. C'est une idée très ancrée dans la philosophie romantique allemande, mais cette idée-là est très forte chez Bernhard. Et elle me fait du bien, alors aussi en tant qu'enseignante, quand j'ai fait des cours à la fac, c'est qu'on peut dire à des étudiants, ne lisez pas tout Michel Foucault. Vous pouvez lire ce petit extrait, vous avez déjà de la pensée. Ça suffit. Et puis, ça, c'est bien aussi pour les gens qui sont maniaco-dépressifs. Ils peuvent pas connecter tout un livre en entier parce que c'est trop fort. Et on peut lire un tout petit bout de quelque chose et ça suffit pour remplir la tête. Et ça, c'est une idée que je trouve assez bien. Ça va un peu contre l'érudition à laquelle on a un peu trop tendance à croire. Donc voilà, je vais essayer de faire entrer un petit peu dans l'univers de Thomas Bernhard, de la manière où moi j'y suis rentrée, ce qui est subjectif. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres manières de le lire et de l'apprécier, mais moi, c'est celle-là, donc je vais partir un petit peu là-dessus. La première chose, c'est que Thomas Bernhard, c'est un auteur qu'on relit. C'est un peu contradictoire ce que j'ai dit avant, mais en fait, quand on tombe sur un roman comme L'Extinction, qui est pour moi le chef-d'œuvre absolu de Bernhard, on le relit, et Bernhard, il nous dit, en fait, il ne sait pas que ça le concerne, mais il dit, en fait, qu'un livre, il est vraiment... Si le livre ne tient pas à la deuxième lecture, c'est que c'est pas la peine de le garder dans la tête. Alors, c'est dans Extinction, justement, qu'il dit ça. Je vais vous lire ce passage, parce que c'est joli, c'est beau. Il y a des écrivains, avais-je dit à Gambetti, qui, lorsqu'ils les lisent pour la deuxième fois, enthousiasment encore beaucoup plus le lecteur que la première. Il en est chaque fois ainsi pour moi avec Kafka. Kafka me reste en mémoire comme un grand écrivain, avais-je dit à Gambetti. Mais en le relisant, j'ai tout à fait l'impression d'en avoir lu un beaucoup plus grand encore. Peu d'écrivains deviennent plus importants, plus extraordinaires à la deuxième lecture. La plupart, nous les lisons pour la deuxième fois et nous avons honte de seulement les avoir lus une fois. C'est ce qui arrive avec des centaines d'écrivains. Pas avec Kafka. et pas avec les grands Russes, Dostoïevski, Tolstoï, Tourguenieff, Lermontov, et pas avec Proust, avec Flaubert, avec Sartre, que je compte parmi les plus grands. Je ne trouve pas que ce soit la plus mauvaise méthode que de lire une deuxième fois les écrivains que nous avons lus une fois et qui nous ont impressionnés. En effet, ou bien ils sont encore beaucoup plus importants, ou bien ils ne valent plus la peine qu'on en parle. Ainsi, nous ne trimballons plus dans notre tête, pendant toute notre vie, un énorme fatras de littérature qui finalement rend cette âme malade, mortellement malade, avais-je dit à Gambetti sur le Pinchot. Bon, moi je trouve que c'est utile dans la vie de savoir ça, de réfléchir à cette question. Alors je vais dire juste quelques mots, mais très courts, sur la biographie de Thomas Bernhard, d'abord parce que vous avez tous Internet et que c'est facile d'aller chercher des renseignements. Et en fait, il y a peu de choses qui sont pour moi très importantes à savoir. D'abord qu'effectivement, alors il est mort en... je ne sais pas sa date de naissance, je n'ai pas repéré, mais il est mort en 89. Donc je me souviens de ce moment où on a dit qu'il était mort, alors que je ne l'avais pas encore lu. C'était un événement littéraire. Alors il a dû naître dans les années 25, quelque chose comme ça. Il faut regarder derrière un livre. Et, pardon ? 33. Ah non, c'est pas possible. 31. Donc il apprend le violon et le chant au Mozarteum de Salzbourg. Et il fait des études de musique et de dramaturgie. Donc il est, la musique et le théâtre, pour lui, c'est associé dans un même monde. Et d'ailleurs, le Mozarteum, il fonctionne aujourd'hui encore comme ça. C'est une école où on apprend aussi bien la musique que l'art dramatique. Et il est diplômé en théâtre en 57 avec un travail, un mémoire sur Brecht et Artaud. Donc déjà, ça oriente un petit peu le personnage. Hein, ça sur Brecht et Artaud. Ensuite, il devient journaliste pigiste dans un quotidien de Salzbourg où il fait des chroniques judiciaires et de la critique littéraire et de théâtre. Et il commence en fait à écrire assez jeune de la poésie, une poésie qui est très anti-bernardienne puisque c'est, enfin, comme il est devenu ensuite, c'est une poésie très lyrique, très remplie en fait de tout ce qui est l'héritage romantique, post-romantique. Donc ça, c'est sa première période d'écriture. Et puis, en 63, il publie un livre dont je ne parlerai pas aujourd'hui parce que je parle d'autres, qui s'appelle Gel, Frost en allemand, qui est publié en 63. Un autre livre marquant dans l'histoire de Thomas Bernhard dont je ne parlerai pas, c'est le livre qui s'appelle Des arbres à abattre, qui a suscité un procès contre lui très important dans son histoire et surtout dans son histoire avec l'Autriche, puisque à partir de ce procès, il a refusé que ses livres soient publiés en Autriche. Donc ils étaient connus dans toute l'Europe et les Autrichiens n'avaient pas accès à ces livres. Voilà, après, il y a beaucoup d'autres livres, je vais en parler au fur et à mesure. Ce qui est frappant dans toute la littérature bernardienne, c'est que c'est ce qu'en allemand on appelle un Ich Erzähler, donc c'est toujours la première personne. Moi j'aime bien ce mot allemand Ich Erzähler parce que c'est moi qui écris, et c'est pas le narrateur qui raconte. Alors, Erzählen, ça veut dire aussi raconter, hein, mais il n'y a pas cet aspect. Quand on dit le narrateur, c'est comme si c'était pas soi. Et dans Ich Erzähler, c'est soi quand même. Il y a quelque chose qui est, je sais pas, qui me plaît plus comme mode d'entrée. Alors, la première question qu'on peut se poser quand on ouvre un Thomas Bernhard, parce que ça paraît un monde très bizarre, très opaque, c'est quand même très particulier. On se demande mais dans quel monde on est, quel monde nous sommes. C'est-à-dire quel est le domaine à partir duquel il écrit. Avec quoi il crée ses romans. Et donc j'ai parlé du domaine de la musique, effectivement, qui est quelque chose d'important, mais il y a un domaine qui englobe la musique, c'est, à mon sens, le domaine de l'esprit. Ce qui intéresse Thomas Bernhard, c'est le domaine de l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la pensée, au sens le plus large, pas la philosophie, pas l'esthétique, pas la critique sociale, bien que tout ça soit présent, mais c'est l'esprit, autrement dit, la poésie, la poétique. Ce qui est fondamental chez Bernhard, c'est la poésie. De mon point de vue, après on peut discuter. Et cette poésie, elle n'est pas séparée de la musique. Parce que ce qui est fondamental chez lui, c'est le rapport musique-poésie, la musique comme poétique et la musique comme lieu, en fait, par la poétique de critique active, de création poétique contre quelque chose qu'il a vécu, qu'il a mal vécu et qu'il refuse de vivre. C'est le monde totalisant, totalitaire de l'État. Donc vous avez dans tous les livres quasiment de Thomas Bernhard une charge extrêmement forte et décidée, déterminée contre l'État, contre la culture d'État, contre l'école d'État, contre l'église d'État, contre toutes les pratiques étatiques. Et c'est par la poétique qu'il s'attaque à cette question de l'État. Alors ce qui est très dans la tradition allemande, hein, puisqu'on a effectivement dans le pré-romantisme déjà cette idée que c'est par la création, par la culture, donc la culture au sens vraiment de Kultur, que l'histoire bouge, que la société change, et pas par l'État, ni la législation, etc. Alors, idée forte dans ce domaine de l'esprit, c'est que les pensées, pour Thomas Bernhard, les pensées sont actives. La poésie, elle est active, la musique, elle est active. La philosophie, elle est active. Mais cette activité de l'esprit, elle est la seule qui vaille pour lui, elle est sans cesse menacée. Elle est fragile. Alors elle est menacée par quoi ? Elle est menacée par l'État, par la récupération publique et par la récupération des gens idiots, de la bêtise et par le pouvoir. Pouvoir, bêtise, État, ça va ensemble pour Thomas Bernhard. Et on peut penser, alors si vous connaissez un petit peu Gilles Deleuze, qui fait une différenciation entre pouvoir et puissance, Bernhard, il est du côté de la puissance. Ce qui l'intéresse, c'est la puissance, c'est pas le pouvoir. Et la puissance, elle va contre le pouvoir. Bernhard, c'est quelqu'un qui dit puissamment non. Il dit tout le temps non, tout seul. Il se dresse tout seul avec sa musique, sa critique par la musique, et tous ses amis romantiques, qui sont ses amis de lecture, donc Novalis, qui se situe parmi les plus grands, Goethe, Moritz, quantité d'autres, Jean-Paul, etc., qui sont ses amis d'esprit, dans l'esprit. Et bien sûr, Schopenhauer, qui est vraiment son plus grand ami, son ami fidèle parmi les penseurs de langue germanique. Il a d'autres amis, des amis qu'il vient chercher exprès pour, excusez-moi, mais emmerder l'Allemagne, pour emmerder l'Autriche, pour emmerder les pays de langue allemande, et qui viennent de d'autres pays, donc particulièrement de la France, Montaigne, Pascal, qui cite énormément, et puis dans l'entre-deux, France-Allemagne, c'est-à-dire quelqu'un comme Rousseau, qui a été tellement important par l'influence zurichoise et suisse. Rousseau, c'est celui qui va nous guider dans la pensée aussi de Thomas Bernhard, parce que Rousseau, c'est celui qui nous fait penser à qu'est-ce que c'est qu'être un enfant et qu'est-ce que c'est qu'être éduqué. Et à travers Rousseau, et donc Pestalozzi, qui est le grand rousseauiste de l'éducation, disons, anti-étatique, de l'éducation libre, la première pensée pédagogique vraiment, il nous fait entrer dans une question essentielle pour lui, qui a grandi sous le nazisme, de l'éducation comme mode de formatage et d'emprisonnement de l'enfant, ou de l'éducation comme mode d'élévation d'esprit, qui est un point essentiel de la violence de ses attaques contre l'Autriche et contre contre l'État sous sa forme la plus totalitaire. Alors, donc ce monde-là, c'est quand même globalement un monde qu'on pourrait dire ancré dans une pensée romantique première, qui est elle-même nourrie de philosophies plus anciennes, qui est celle particulièrement de Leibniz. Et dans Leibniz, que je fais semblant de connaître là, mais je vous assure que je ne l'ai vraiment pas lu dans le détail, mais il y a une chose qui est intéressante pour moi chez Leibniz, c'est l'idée esthétique. C'est l'idée qu'il y a une esthétique et un monde des idées qui ne sont pas des idées articulées par le verbe, par la pensée. Alors, je vais essayer de dire ça un peu vite pour qu'on se rapproche après des textes, mais chez Leibniz, il y a cette grande idée qui est qu'il y a de la clarté confuse. Alors nous, clarté confuse, bon, ok, on se gratte un peu la tête. La clarté confuse, ben, c'est simple. C'est si vous êtes sur une plage et vous voyez des vagues, les vagues, c'est des centaines de milliards de gouttelettes d'eau que vous entendez, que vous voyez, et qui forment un ensemble qui vous est immédiatement perceptible et dont vous comprenez immédiatement le sens, la réalité. Alors que si vous utilisez le langage pour expliquer des vagues à un aveugle, vous ne pouvez pas le faire jusqu'au bout. Donc l'idée, la clarté confuse, c'est qu'il y a des éléments qui sont extrêmement clairs, justement parce qu'ils sont confus dans le langage, parce qu'ils passent par un autre type de perception. Et cette idée-là, chez Lamnitz, qui est une forme de vouloir faire tout rentrer dans le domaine de l'intelligence, de l'esprit, aussi les choses dont l'esprit ne peut pas parler de manière jusqu'à l'infini. Donc c'est dans le contexte des méditations sur la connaissance, la vérité et les idées chez Lamnitz, qui date de 1684. Ça veut dire que tout fait partie du domaine possible de la pensée. Il n'y a pas une perception qui serait hors pensée. Il n'y a pas un monde de la perception et du sentiment qui serait en dehors de la pensée. C'est de la pensée aussi. Ça, c'est important parce que nous, les Français, on n'a pas l'habitude de penser comme ça. Et on n'a pas l'habitude de penser la littérature en termes autres que soit c'est sentimental, soit c'est intelligent. Or, le sentiment est intelligent et l'intelligence est liée à la perception. Donc cet apport-là, il est essentiel pour comprendre l'importance que peut avoir justement chez Thomas Bernhard les questions de l'art, de la nature, du rapport à l'extérieur aussi. Voilà, donc ça c'est son côté bien, bien ancré dans la pensée allemande. Alors, pour bien sûr, cette idée de Lamnitz, elle est extrêmement forte dans toute la pensée allemande du 19e, en particulier chez Schopenhauer, on la retrouve aussi. Mais un des grands présentateurs de cette idée au point de vue de philosophie, comment elle a été surtout imposée dans l'histoire de la philosophie occidentale, c'est essentiellement par Kant, dans La critique du jugement, 1790, qui lui-même s'appuie sur un disciple de Lamnitz qui s'appelait Baumgarten et qui a écrit ce qui est aujourd'hui réputé être le premier ouvrage sur l'esthétique. Bon, et l'esthétique pour Baumgarten, donc 1750, c'était la science de la connaissance sensible. Voilà. Alors, c'était une manière de dire connaissance sensible, pour nous, ce sont des oppositions, connaissance et sensible. Pour Baumgarten, c'est un ensemble. Et dans la critique du jugement, Kant, il explique ce que c'est une idée esthétique, et ça, c'est une idée, c'est pour moi la plus belle phrase de tout Kant que je n'ai pas lu en entier, mais dans l'esthétique, c'est ce que j'ai retenu. J'entends par idée esthétique, il dit, une représentation de l'imagination qui donne beaucoup à penser, sans que cependant, quelque idée, quelque pensée déterminée, c'est-à-dire quelque concept lui soit adéquate. Aucune langue ne peut l'exprimer ni la rendre intelligible. Une représentation de l'imagination qu'aucune langue ne peut exprimer. Et tout le travail de la littérature de Bernhard, c'est de faire remonter cette représentation de l'imagination comme une création de l'intelligence. C'est-à-dire que la langue elle-même devient une représentation de l'imagination. Elle doit se remplir de ce motif-là qui est l'idée esthétique, tout en disant des choses qui sont intelligibles. Vous voyez, donc c'est toujours cette double dimension. Quand on lit Bernhard, il y a toujours la dimension intellectuelle, construite, très construite, appuyée sur la philosophie, et en même temps, toujours cette volonté de laisser la place à la représentation de l'imagination. C'est comme ça que je le dis. Et un autre aspect donc, qui rappelle le premier petit passage que je vous ai lu en allemand, c'est la question de l'accompli en soi. L'extinction, un effondrement, donc c'est sous-titre, c'est construit comme un accompli en soi. Ou maîtres anciens aussi, c'est construit comme un accompli en soi. Alors qu'est-ce que c'est que cette idée d'accompli en soi? Cette idée-là, elle a été proposée par un jeune Allemand qui s'appelait Carl Philipp Moritz, Moritz, M-O-R-I-T-Z, et qui a écrit un petit article qui a fait grand bruit, qui était sur cette question du beau comme quelque chose d'accompli en soi. Alors, essai de réunion de tous les beaux-arts sous le concept d'accompli en soi. Qu'est-ce que ça veut dire, accompli en soi pour lui? Ça veut dire que le beau n'a pas a besoin pour qu'on vérifie sa beauté d'être comparé au beau naturel. Donc c'est une rupture par rapport aux théories de l'imitation qui étaient en vogue au XVIIIe siècle, en particulier en France. Moritz, pourquoi il écrit ça? Il écrit ça parce qu'il n'aime pas l'économie. Lui voulait faire du théâtre, et puis son père, il l'envoie travailler chez un chapelier et vendre des chapeaux. Et Moritz, il n'aime pas vendre des chapeaux, il n'aime pas les boutiques, il n'aime pas le rapport marchand. Et il réfléchit. Et puis, il a une culture piétiste aussi. Donc, la culture piétiste, ça veut dire aussi qu'on est loin de Dieu, on le contemple, mais on n'a pas le droit trop de dialoguer avec lui. On est comme ça, un petit peu loin, quoi, dans une position déférente, hein, pas d'égal à égal avec Dieu. C'est pas comme ça, les piétistes. Donc, Moritz, lui, ce qu'il veut, c'est essayer de comprendre la différence entre une pièce de théâtre et puis un chapeau. Il veut comprendre pourquoi c'est important de faire du théâtre. Il veut comprendre cette histoire-là. Et il cherche là-dedans et il se dit, ben, en fait, un chapeau, s'il n'y a pas de tête dessous, s'il n'y a pas un rapport marchand, eh ben, il ne sert à rien. Alors qu'une pièce de théâtre, c'est accompli en soi. Même s'il n'y a pas de public, c'est une œuvre. C'est une œuvre, c'est un tout. C'est parfait. C'est ça qui l'intéresse. Alors il dit ça. Je considère le beau comme quelque chose d'accompli en soi, qui fait un tout, qui se rapporte à lui-même en dehors de toute utilité. Le monde de l'utilité n'intéresse pas du tout Moritz, n'intéresse pas du tout ce courant de la pensée romantique. L'utilité, c'est juste un truc de marchand, quoi. C'est zéro. Les rapports humains d'utilité, c'est zéro. C'est pas intéressant. Et Moritz, c'est ça qui l'intéresse. Et il cherche comment. Pourquoi l'art est si important? C'est parce que l'art est inutile. Et c'est pour ça qu'il sert. C'est son inutilité qui fait que c'est tellement important. Et parce qu'on n'a pas de rapport asservi avec l'art, et ben c'est purement créatif, quoi. C'est purement pour exprimer quelque chose sans utilité. Et donc, c'est lié à la liberté aussi. C'est-à-dire que c'est quand même pour. On n'est pas asservi par l'art comme on est dans un rapport économique. Normalement, hein, c'est plus forcément le cas dans la réalité actuelle, mais c'est l'idée, c'est celle-là, c'est que quand on fait l'art, la valeur de ce qu'on fait n'est pas une valeur qu'on peut. C'est pas sonnant et trébuchant, quoi. Et même si ça a un coût, un prix, voilà, parce que effectivement, il faut pouvoir vendre sa pièce, etc. La valeur de l'œuvre est jamais en rapport avec le prix qu'on paye. Ça n'a rien à voir. Donc c'est vrai, moi j'ai payé extinction, je ne sais plus combien, 120 francs, ça n'existe plus ça. C'était pas cher par rapport à ce que ça. C'est rien, cette valeur représente rien par rapport à ces livres, quoi. Et puis ça a un autre aspect important, c'est que ça nous détache de cette histoire de la critique. Oui, alors ça c'est bien, ça me plaît, ça me touche. Cette question du comment on juge une œuvre. Et lui, Moritz, il s'intéresse à qu'est-ce qui compte pour l'artiste. Alors là, les écrivains, ils en prennent plein la poire parce que souvent, ils pensent que s'ils vendent mieux les bouquins, ils sont meilleurs. Enfin, on comprend que c'est pas ça l'affaire. Il dit, si l'artiste dit quand mon œuvre plaît, alors j'ai atteint mon but, je réponds, c'est le contraire. C'est parce que tu as accompli ton but, finalisé ton œuvre, que ton œuvre pourra plaire. Que ton œuvre plaise peut être un signe que tu as atteint ton but dans ton œuvre. Alors, le plaisir n'est pas le but, demande l'artiste. Je réponds, en quoi consiste le plaisir, sinon dans la contemplation de l'accompli en soi? Bah, ça fait mal quand même, là. Et Bernard, il écrit dans cette problématique-là. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure avec monsieur, le fait que les gens rentrent comme dans un moulin dans ses livres, ça ne l'intéresse pas. Il se fiche de savoir si sa première ligne va plaire au lecteur lambda. Ce qui l'intéresse, c'est que sa première ligne, elle signifie tout ce qu'elle nous fait entrer dans quelque chose qui est accompli en soi. Voilà, ça c'est une exigence poétique de l'accompli en soi qui est absolument là. Mais avec une dimension particulière, c'est que cette pensée qui est très ancrée dans le romantisme, les premiers romantismes, elle est fissurée, elle est fêlée, elle est abîmée, parce que il y a quelque chose qui doit échouer dans la perfection. Parce que la perfection, c'est la totalité, et la totalité, c'est l'État totalitaire, et c'est le fascisme, le nazisme. Voilà. Donc Bernhard, il est pris là-dedans, tout le temps, dans toutes ses œuvres, entre son attachement extrêmement profond, viscéral, à ce monde de la perfection artistique, et le fait qu'il faut que cet art échoue. Il faut qu'il y ait des ratés complets dans les œuvres. Alors, je vais vous lire un passage que je retrouve de Maîtres anciens qui montre ça. Donc il en fait quelque chose de comique, parce que après, qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon on ne peut pas pleurer, donc il faut que ce soit quand même assez drôle. Il y a longtemps que notre époque, prise comme un tout, est devenue intenable, a-t-il dit. Donc c'est Reger qui parle. Ce n'est que là où nous voyons le fragment qu'elle nous est supportable, a-t-il dit. Le tout et le parfait nous sont insupportables. Pour être honnête, je les trouve affreux. Pour pouvoir les supporter, je cherche en chacun d'eux ce qu'on appelle un défaut rédhibitoire. Procédé qui a toujours atteint son but jusqu'à présent. À savoir de transformer toutes ces œuvres d'art prétendument parfaites en un fragment, a-t-il dit. Non seulement la perfection menace sans arrêt de nous détruire, mais elle nous détruit aussi tout ce qui, sous l'appellation de chef-d'œuvre, est accroché ici au mur, a-t-il dit. Je pars de l'idée que la perfection, le tout, n'existe pas. Et chaque fois que j'ai transformé l'un de ces soi-disant chefs-d'œuvre parfaits accrochés ici au mur en un fragment, entre le moment où je me suis mis à chercher dans ce chef-d'œuvre un défaut rédhibitoire, le point décisif de l'échec de l'artiste qui a fait ce chef-d'œuvre, et celui où je l'ai trouvé, j'ai avancé d'un pas. Jusqu'ici, dans chacun de ces tableaux, soi-disant chef-d'œuvre, j'ai trouvé un défaut rédhibitoire. J'ai trouvé et dévoilé l'échec de son créateur. Depuis plus de 30 ans, ce calcul infâme, comme vous pourriez le penser, s'est révélé juste. Aucun de ces chefs-d'œuvre mondialement connus, peu importe leur auteur, n'est en vérité un tout et parfait. Ça me rassure, a-t-il dit. Au fond, ça me rend heureux. C'est seulement lorsque nous nous sommes rendus compte à chaque fois que le tout et la perfection n'existent pas que nous avons la possibilité de continuer à vivre. Voilà. Ça, c'est quand même une idée assez incroyable et assez forte, je trouve, de chercher des défauts dans l'œuvre. Alors, moi, un autre aspect de cette question du défaut dans l'œuvre, c'est que en tant que personne qui prétend un peu faire de la littérature, se comparer aux plus grands et tout, on aime bien aller chercher les défauts. Donc lui, il nous ouvre un peu la porte pour dire ouais, c'est vrai, Hemingway, c'est super, mais t'as vu, ça c'est quand même pas terrible. Là, ça tombe quoi. C'est rechercher dans les gens qu'on aime. Moi, Hemingway, j'aime, je m'intéresse à ça, ces littératures. Je cherche ses défauts pour qu'il soit plus proche, pour pouvoir discuter avec lui de ses défauts. Je me dis, mais non, mais là, c'est trop facile. Qu'est-ce que tu as fait, Hemingway? Ça marche. D'habitude, tu vas plus loin là-dessus. Et bien sûr, c'est pure prétention de ma part, mais qu'importe, ça devient mon ami. Après, je peux avancer avec lui. Je peux réfléchir à comment il a fait, comment je peux faire autrement, etc. Donc, c'est discuter, comme disait Hemingway lui-même, c'est il faut discuter avec les plus grands. Et pas se dire... ouais, mais c'est Flaubert, là là, mon Dieu. Non, on discute avec lui. On dit non, mais ça, mon petit gars, là, ça va pas, quoi. Faut chercher autre chose, ou c'est déjà fait. Il faut chercher le dialogue avec les plus grands. C'est parce qu'ils ont des défauts qu'ils sont des amis, comme les vrais amis. Nos vrais amis ont des défauts, et c'est pour ça qu'on les aime aussi. S'ils étaient parfaits, ça nous donnerait plus l'envie de les connaître. Voilà, donc ça, c'est un truc super important. Alors, deuxième truc important, mais là, je passe très vite, mais Thomas Bernhard, il accentue beaucoup un rapport avec les grands hommes. Alors, il y a une tradition forte dans la philosophie allemande, dans la pensée sur l'histoire, l'histoire culturelle allemande, qui est celle de Burckhardt, Jakob Burckhardt, qui était prof à Zurich, et je crois qu'il était... Enfin, c'était un des profs de Nietzsche, donc quelqu'un qui a beaucoup influencé Nietzsche, et qui a construit vraiment une pensée sur l'histoire culturelle comme une histoire de ce qu'il appelle l'attitude des hommes devant le monde. C'est-à-dire, c'est l'attitude des hommes devant le monde au jour le jour et leur capacité de bouger qui fait bouger l'histoire. C'est pas l'État, et c'est pas l'Église, c'est pas les lois. Ça, c'est fixe. C'est les éléments les plus fixes et les moins intéressants. Ce qui intéresse Burckhardt dans la culture, c'est que la culture fait bouger, c'est elle qui fait l'histoire. Et dans cette culture, ce sont les grands hommes, alors un côté un peu aristocratique, tout ça, qu'on peut discuter, mais il y a des grandes figures, et ces grandes figures, elles nous emmènent plus loin, quoi. Donc, Bernhard, il est comme ça. Il pense comme ça. Il pense que Novalis, irremplaçable, il fait avancer quelque chose. Kafka, Schopenhauer et plein d'autres. Donc, il cite les noms, parce que ces noms-là, ce sont des repères qui font avancer l'histoire. Alors, autre attachement de Bernhard avec la pensée Aufklärung et début du romantisme, c'est que on vit quelque part. On vit quelque part, on est en rapport avec un environnement. Et cet environnement, c'est l'élément essentiel qui intervient dans la vie des gens. C'est-à-dire que cet environnement, il crée la possibilité de vivre ou il crée l'envie de suicide, le désir de mourir, d'en finir, le besoin de disparaître. L'environnement, il est... Alors, si vous aimez bien Thomas Mann, vous connaissez certainement, le fameux voyage de mort à Venise. C'est quand même le climat de Venise qui va complètement transformer... je ne sais plus comment il s'appelle... rappelez-moi, le peintre qui parle là-bas, enfin, je ne sais plus si c'est un peintre ou un musicien, enfin, voilà, la figure centrale de mort à Venise, c'est le climat a un effet sur... Le climat, l'environnement a un effet direct sur qui je deviens. On voit ça aussi au début de la montagne magique, le Castor qui part dans la montagne, il change le climat, il change l'endroit, il change de vie, il change d'être, il a des perceptions qui changent, etc. Donc ça, c'est un grand thème chez Bernhard. Alors qu'on retrouve par exemple dans la violence de ses positions sur la climatologie nord-sud. Alors au nord, c'est vraiment horrible, hein, donc ça c'est son côté exagéré, qui est très exagérant tout le temps tout. Donc la théorie des climats, qui est une vieille théorie qui est très présente au 17e, il a réinvesti complètement en expliquant que les Italiens sont géniaux, l'Espagne c'est formidable, la France aussi, etc. Mais alors dès qu'on passe la frontière belge et l'Allemagne et tout ça, c'est affreux, quoi. Il fait froid, alors l'Autriche, n'en parlons pas, Salzbourg, c'est horreur, il pleut tout le temps, les gens sont tristes, l'environnement est affreux, quoi. Donc, alors là, je vais passer un tout petit peu de Origine, qui est un des romans autobiographiques de Bernhard, où alors, là, vous allez voir, Salzbourg, c'est vraiment affreux. Je ne vais pas en lire très long, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais... La ville est peuplée de deux catégories de gens. Les faiseurs d'affaires et leurs victimes. Donc là, vous voyez, Moritz, c'est pas très loin. Pour celui qui y fait ses études, elle n'est très souvent vivable que de façon douloureuse, mortellement sournoise, et qui, avec le temps, perturbe, dérange, disloque, détruit toute nature. D'une part, les conditions météorologiques extrêmes, continuellement irritantes et énervantes pour l'être humain qui y vit, ne cessent jamais, dans tous les cas, de ruiner sa santé. D'autre part, l'architecture salzbourgeoise produit dans ces conditions météorologiques des effets de plus en plus dévastateurs sur la disposition mentale de ces êtres. Le climat préalpin, qu'ils le sachent ou non, est toujours nocif pour ces êtres pitoyables. Il pèse en conséquence sur l'esprit, le corps et tout le caractère de ces gens qui sont, bien entendu, complètement esclaves de leurs conditions naturelles. Voilà, alors ça, il y a des pages et des pages sur Salzbourg, là, si vous voulez aller voir dans Origine, c'est vraiment incroyable. Alors, voilà, Salzbourg, c'est le pire, et Rome, Madrid, c'est les villes les plus merveilleuses, enchanteresses qu'on puisse trouver. Paris aussi, un peu plus loin derrière, mais voilà. Donc on a des oppositions construites comme ça, nord-sud, très fortes, l'environnement. Alors on peut être soit tué par son environnement, soit vivre grâce à son environnement. Il y a une autre chose qui est importante chez lui, c'est l'opposition nature-culture. Alors, cette opposition nature-culture n'est pas une opposition, justement. C'est-à-dire que pour nous, souvent, on réfléchit comme ça, ce qui est naturel, ce qui est culturel, alors que pour Bernhard, ce qui est culturel, c'est ce qui est en relation avec la nature. Il n'y a pas la nature contre la culture. Il y a la culture la seule culture qui vaille, c'est la culture en lien direct avec la nature. Et même quand il est en ville, quand il aime les grandes villes européennes, ces villes, que ce soit Rome, Paris, Madrid, Londres, etc., ou Vienne, parce que des fois il aime Vienne, des fois il aime pas, ça dépend des livres, ça dépend quel rôle joue la ville dans ses histoires, et bien ces villes, elles sont des villes naturelles, c'est-à-dire des villes de l'esprit. Et l'esprit ne peut exister que par un rapport, dans son rapport avec la nature. Avec la nature vivante, pas avec l'agriculture qui est la nature abîmée par l'homme. L'agriculture, c'est vraiment le pire des métiers. Il déteste les agriculteurs. Il déteste les chasseurs, les agriculteurs. Il aime les jardiniers. Parce que les jardiniers, eux, ils aiment la nature. Ils font pousser des choses qui vont avec la nature. Les agriculteurs, c'est des destructeurs. C'est des marchands. Donc, il les déteste. Et il le dit, clairement. Voilà. Il n'y a pas de nature dans l'agriculture. La nature, elle est du côté du jardinier qui laisse pousser, qui attend, qui regarde. Et puis, évidemment, de l'homme d'esprit, de l'homme de la culture. Voilà, donc évidemment, la nature, elle est au sud. Hein. Donc, elle est plutôt... La nature au nord, c'est vraiment un truc affreux. Quoi. Il fait froid, c'est moche, c'est de l'agriculture, c'est grossier, etc. Et puis, la nature, c'est aussi celle de l'enfant. Parce que la nature, c'est notre rapport spirituel avec la nature, d'esprit avec la nature, c'est un rapport de perception naïve, pure, simple, qui est celle de la perception naturelle de l'enfant. C'est un enfant qui n'est pas déformé par les éducateurs, qui n'est pas avili par le système scolaire ou les injonctions des parents. C'est un enfant qui est élevé par son expérience du vrai, naturel, du beau, et dans un esprit bienveillant. Alors là, on arrive sur un autre thème important de Thomas Bernhard, c'est l'enfance. L'enfance qui est le lieu de la liberté, de la curiosité, de l'esprit créateur. C'est aussi le début, c'est l'âge de la formation. Alors tous les romans de formation allemands, que ce soit Jeune Werther, etc., c'est cette idée que la formation, c'est le moment essentiel de la vie humaine. Et cette formation-là, c'est pas de l'enseignement, c'est pas de l'instruction. C'est la formation par l'expérience, parfois douloureuse, mais une vraie formation, c'est quelque chose qui est fondé sur l'expérience, sur le mouvement de la pensée, sur l'effort individuel pour construire quelque chose. Alors, on trouve dans l'origine aussi des points communs avec, si vous aimez Bergman, certaines thématiques de Bergman, justement sur l'enfance. Ou dans Fanny Alexandre, par exemple, on a un monde enfantin très beau au début, avec des enfants qui participent à la vie du théâtre, qui sont associés à la vie des adultes, sans éducation derrière eux, mais qui se forment en fait à l'art comme ça, avec leurs parents. Et puis une deuxième partie de Fanny Alexandre, où les mêmes enfants sont avilis par une éducation, évidemment, d'un archevêque, qui est extrêmement autoritaire et violent et pervers avec eux. Et on retrouve la même chose, la même thématique chez Bernhard, avec un moment donc dans l'origine où un enfant qui est parti aux toilettes pendant une alerte au bombardement à Salzbourg se retrouve battu par le responsable de ce véritable camp d'internement qui s'appelle Grünkranz, qui est vraiment un gros salopard, parce qu'il n'était pas là, il n'a pas entendu, il n'est pas descendu. Ou alors un autre moment dans Extinction, le narrateur, le Ich Erzähler, se retrouve dans la bibliothèque à lire et il s'oublie dans la lecture et tout le monde le cherche parce que c'est l'heure du repas et sa mère le punit et lui crie dessus, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans la bibliothèque, etc. Donc cette espèce de moment où l'autorité, donc la familiale, maternelle, vient tuer l'apprentissage naturel de l'enfant. Parce que la bibliothèque, c'est aussi un lieu naturel. Alors peut-être que je pourrais te demander de lire à propos de ces enfants les deux pages dans Extinction qui décrit, je trouve très bellement, ce qu'il appelle la villa des enfants. Page 120, 121 pour moi, je ne sais pas pour toi. La villa des enfants, donc on est dans un grand domaine qui se situe à Wolfseck. Et un domaine très rural, hein, avec une grande bâtisse très riche, Et voilà. Et en fait, le narrateur vient de perdre ses deux parents et son frère, et il doit se rendre dans cette maison détestée, avec tous les souvenirs détestés, pour l'enterrement de ses parents. Et voilà, cette histoire de la villa des enfants. Cette villa des enfants, comme on l'appelle, a été construite il y a en gros 200 ans, dans le style des villas florentines telles qu'on les trouve encore aujourd'hui sur la route de Fiesole. Elle n'est pas aussi somptueuse, naturellement, avait-je dit à Gambetti, mais tout de même exceptionnelle pour la région de Haute-Autriche. On ne saurait dire cependant qu'elle ne convienne pas à cette contrée. Elle est au contraire plus charmante, en fait, que tout ce qu'il y a d'autre dans notre contrée. Cela paraît tout à fait singulier, mais elle a été construite pour des enfants. Il s'y trouve un théâtre de marionnettes où ont toujours eu lieu des représentations théâtrales données par des enfants. Des pièces écrites par les enfants eux-mêmes, de petites comédies, des scénettes, comme elles viennent facilement à l'esprit des enfants, avec une triste fin qui, à y regarder de près, n'est pas du tout triste que ça. En vert, naturellement. Dans la villa des enfants sont conservés des centaines de costumes de théâtre pour les enfants. Aujourd'hui, la villa des enfants est fermée. Je crois qu'il y a déjà des années qu'on n'y a plus mis les pieds. Beaucoup de carreaux sont cassés, sans doute par des enfants du village, avais-je dit à Gambetti, mais il ne pleut pas encore par le toit. Justement, cette villa, j'avais toujours voulu la faire arranger, avais-je dit à Gambetti, mais cela, les miens s'y étaient refusés à dépenser de l'argent pour une pareille absurdité. Mes frères et sœurs et moi, nous y avons encore très souvent fait du théâtre, jusqu'au moment où on nous l'a défendu parce que nous devions apprendre davantage, faire moins de théâtre. C'est dommage, avais-je dit à Gambetti, que la villa des enfants soit un bâtiment mort. Justement, la villa des enfants, le plus beau bâtiment de tout le pays. Il a tant de charme, vous ne pouvez absolument pas vous l'imaginer, Gambetti, dans une région qui n'est pas riche en bâtiments aimables, en maisons attrayantes, en architecture joyeuse. Peut-être réussirai-je un jour à obtenir tout de même gain de cause auprès des miens, avais-je dit à Gambetti, et à rouvrir justement la villa des enfants, à la restaurer, à l'ouvrir, à l'inaugurer avec une comédie jouée par des enfants du village. Cela me ferait le plus grand plaisir, avais-je dit à Gambetti. Une pièce jouée par les enfants du village, dans ces costumes vieux de plusieurs siècles, qui sont si riches de couleurs, si pleins de fantaisie, si hautement artistiques, vraiment poétiques. Mais comme toujours, avais-je dit à Gambetti, ce qui est vraiment poétique est négligé plus que tout. Comme si on ne voulait absolument pas de ce qui est vraiment poétique. Cette villa des enfants fermés et laissés à l'abandon est un chapitre tout à fait triste, mais intéressant, de notre histoire de Volsègue, avais-je dit à Gambetti. Peut-être est-ce même la plus triste de tous. Ouais, moi, je trouve complètement génial ce passage, parce que c'est, bon, faut dire que c'est dans un livre qui est tout le temps à charge, qui s'élève toujours contre l'esprit national-socialiste, l'esprit catholique, l'esprit provincial et bêtasse dans lequel que Murnau donc ne supporte pas. Et il y a certaines envolées comme ça dans ce livre qui est très étouffant par cette charge permanente. Des moments comme ça où on retrouve une pensée, alors mélancolique parce que la maison est détruite, mais où on voit quelque chose d'un mouvement qui est, mais quand même, c'est possible, ça peut être comme ça. C'est quelque chose qui a existé, qui est pensable et qui était beau, quoi, qui était utile. Et moi, je trouve que c'est d'une actualité incroyable, ce texte-là, surtout dans une période comme actuelle où tout le monde fonctionne à la peur, à l'angoisse, où les gamins ont les angoisses dès qu'ils ont... s'ils ne savent pas encore manger la cuillère à 4 mois, ou s'ils ne vont pas en crèche, s'ils ne font pas des beaux dessins à 2 ans. Voilà, l'enfance, ce n'est pas ça, quoi. Et là, il le dit comme ça. Il dit l'enfance, c'est pas ça. L'enfance, c'est pas... On fabrique pas des machines à devenir grand inspecteur des impôts ou je sais pas quoi. On laisse grandir. On laisse vivre et on laisse créer. Et c'est tout bête. Et puis, c'est pas lui qui l'invente parce qu'il y a d'autres penseurs qui ont réfléchi là-dessus. Mais c'est une manière de le dire qui est aussi liée à son expérience du théâtre, à sa vision aussi du jeu, les marionnettes, l'espace, la maison des enfants. C'est aussi un espace qui est fait pour eux, qui est fait pas pour eux au sens de éducatif, on va les pédagogiser avec ça. C'est un espace de liberté où se vit quelque chose qui n'est pas préconçu, qui n'est pas pensé d'avance. Et il y a un truc là-dessus qui est très intéressant chez Bernard, c'est que cette question du pensé d'avance, qui est vraiment analysé en détail dans la structure même du livre Extinction, c'est le monde programmé, hein, ce qu'il appelle le monde programmé. Alors ça, je vais en reparler assez vite, mais là, on va voir un aspect de ce monde programmé qui est lié à ce qui est le contraire du jeu théâtral, le contraire du jeu de l'enfant, et qui est le jeu social, les masques sociaux, les constructions sociales de rôles sociaux, qui est pour Thomas Bernhard la menace permanente sur ce qui est l'essentiel de la richesse de la vie en Occident, dans ce qu'elle a eu de meilleur, donc le travail comme rôle social, et une sorte de distanciation que crée en fait une artificialité des délires de réussite dans lequel aujourd'hui on baigne pas mal, et de reconnaissance sociale. Et la fixation sur les diplômes, pour lui, alors il dit c'est l'Autriche qui est comme ça, les autres ne font pas comme ça, il n'y a que les Autrichiens qui sont dingues des diplômes. Or là, est-ce que ça vient de l'Autriche ou pas? Mais c'est vrai que là, on est quand même dans un monde où on nous dit c'est les diplômes, il n'y a que ça, et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et puis derrière les diplômes, on nous dit bah oui, mais avec ton diplôme, ça ne sert à rien, donc tu ne pourras rien faire non plus, ça ne suffit pas. Donc ce truc des diplômes, là, il y a quelques pages aussi qui sont vraiment forte là-dessus. Peut-être que tu peux le lire. Donc, page 55 de mon édition. L'ensemble des gens ne se donnent pas du mal, dirait-on, qu'aussi longtemps qu'ils peuvent attendre des diplômes stupides avec lesquels ils peuvent se pavaner en public. Lorsqu'ils ont en main un nombre suffisant de ces diplômes stupides, ils se laissent aller. La plupart ne vivent que pour obtenir des diplômes et des titres, pour nulle autre raison, et quand ils ont obtenu un nombre à leur avis suffisant de diplômes et de titres, ils se laissent choir dans le lit douillet de ces diplômes et de ces titres. Ils n'ont, dirait-on, aucun autre but dans la vie. Une vie personnelle, indépendante, une existence personnelle, indépendante, cela ne les intéresse pas du tout, dirait-on. Ils ne s'intéressent qu'à ces diplômes et à ces titres sous lesquels le genre humain risque d'étouffer depuis des siècles. Ils ne recherchent nullement l'indépendance et l'autonomie, pas plus que leur propre développement naturel, mais uniquement ces diplômes et ces titres, et ils sont prêts à mourir à tout moment pour ces diplômes et ces titres si on les leur remettait et les leur délivrait sans condition. Voilà la vérité, sans phare, déprimante. Ils apprécient tellement peu la vie en soi qu'ils ne voient que les diplômes et les titres, rien d'autre. Ils accrochent les diplômes et les titres au mur de leurs appartements. Dans les appartements des patrons bouchers et des philosophes, des marmitons et des avocats et des juges sont accrochés ces diplômes et ces titres. Et toute leur vie durant, ils ont les yeux fixés sur leurs diplômes et leurs titres avec le regard avide qui leur est venu à force d'avoir sans cesse les yeux fixés avidement sur ces diplômes et ces titres. Au fond, ils ne disent pas d'eux-mêmes « je suis tel ou tel homme », mais « je suis tel ou tel titre »,« je suis tel ou tel diplôme ». Et ils ne fréquentent pas telle ou telle personne, mais tel ou tel diplôme et tel ou tel titre. Nous pouvons donc dire tout bonnement que dans le genre humain, ce ne sont pas les hommes qui ont des relations entre eux, mais seulement les diplômes et les titres. Pour dire les choses platement, dans le genre humain, les hommes ne comptent pas, seuls comptent les diplômes et les titres. Depuis des siècles, on ne voit pas les gens, mais uniquement des titres et des diplômes. Ce n'est pas M. Hubert que vous rencontrez au café, mais le titre de Dr. Hubert. Ce n'est pas avec M. Meyer que vous allez manger, mais avec l'ingénieur diplômé du même nom. Ils n'ont atteint leur but, semble-t-il, que lorsqu'ils ne sont plus l'homme, mais l'ingénieur diplômé, lorsqu'elles ne sont plus, croit-elle, seulement Madame Muller, mais Madame la conseillère à la cour. Et ils n'accueillent pas non plus une demoiselle dans leur bureau, mais l'excellent diplôme. Cette passion du diplôme et du titre est à vrai dire répandue dans toute l'Europe, mais en Allemagne et surtout en Autriche, elle a atteint sans nul doute un degré de monstruosité et de grotesque atterrant. C'est tout récemment que j'ai dit à Gambetti que les Allemands et les Autrichiens n'apprécient pas les hommes, mais uniquement les titres et les diplômes. Oui, ils vont jusqu'à croire que l'homme ne naît qu'au moment où il a reçu un diplôme ou obtenu un titre. Avant cela, il n'est même pas un être humain. Gambetti a trouvé cette déclaration de ma part trop grosse, il l'a qualifiée d'exagérée, mais au cours de nos leçons, je lui prouverai bien que je n'exagère pas du tout et que cela ne se passe pas seulement en Autriche, comme je me le dis une fois de plus, mais dans toute l'Europe et aussi, depuis quelque temps, à une vitesse effrayante dans le monde entier. Cependant, cette manie des diplômes et des titres n'est naturellement pas une invention de notre siècle. Les hommes ont toujours couru après. Comme ils s'estimaient eux-mêmes beaucoup trop bas, un beau jour, Il y a déjà des siècles, ils se sont présentés comme des diplômes et des titres afin de pouvoir exister à leurs propres yeux. Mon oncle Georges a très souvent dit « Chaque fois que je vais en Autriche, quand je suis dans le train, j'ai le sentiment que seuls les titres de professeurs et de docteurs sont assis dans le compartiment, pas des gens, que seuls des hordes de diplômes circulent dans les rues, pas des jeunes gens, seuls des conseillers auliques, pas des vieillards. » Tout comme mon père l'avait fait du diplôme de l'école des métiers du bois, mon frère, son fils Johannes, avait aussi accroché au mur, au-dessus de son bureau, son diplôme de l'école forestière de Gmunden, dans un cadre massif comme s'il s'agissait d'un retable. Ils considéraient comme l'apogée de leur vie l'achèvement de ces études, nécessaires sans nul doute, mais tout de même ridicules de bout en bout. Et mes sœurs croissaient à tout instant le mot « lycée » sans qu'on leur eût rien demandé. Le monde entier est atteint de la maladie des diplômes et des titres qui rend impossible toute vie naturelle. Mais dans les pays latins, on n'en est pas encore arrivé, loin de là, à cette situation déprimante à l'extrême en Autriche et en Allemagne, a dit mon oncle Georges. Je pense que cette situation germano-autrichienne n'arrivera d'ailleurs pas à s'y imposer. Ces peuples n'ont pas été et ne sont pas si bornés. La vie naturelle est encore largement répandue parmi ces peuples, alors que chez nous, elle a presque entièrement disparu. Depuis des siècles, une vie vraiment naturelle n'est plus possible en Allemagne et en Autriche, parce qu'elle a été dévorée et éteinte par la manie des diplômes et des titres. Pas mal. Bon, voilà, alors l'actualité, c'est peut-être pas la peine de vous faire un dessin, mais je pense que c'est quand même un sujet assez, assez bien vu. Cette question des diplômes et des titres, elle est assez significative la véritable opposition que fait Thomas Bernhardt avec le naturel, qui n'est pas du tout le culturel, mais qui est l'artificiel. Une chose qui compte pour lui, c'est qu'est-ce qui est le naturel, c'est ce qui n'est pas artificiel. Et qu'est-ce que c'est que l'artificiel? Par exemple, les titres, c'est de l'artificiel. C'est pas de la vie. C'est quelque chose qui est inventé en dehors de la vie et qui cache la vie. Alors, il y a des choses qui sont qui peuvent être naturelles et qui deviennent artificielles suivant qui s'en empare. Et toute une partie de la réflexion de Thomas Bernhardt dans Maîtres anciens, par exemple, c'est cette question-là. C'est qui fait quoi de ce qu'on voit? Et en particulier, la bêtise des masses, la bêtise des troupeaux, la bêtise des élèves menés en troupeau par des guides avides de leur remplir leur entonnoir de savoir historique et artistique, pour lui, c'est le pire de l'artificiel. Parce que non seulement ça, c'est vain, ça n'a aucun intérêt, mais en plus, ça détruit là où est la force même, la force culturelle, vitale, exceptionnelle de l'art. C'est-à-dire que un peu comme Adorno disait que la culture administrée, c'était l'ennemi de l'art, juré de l'art, Thomas Bernhardt pense comme ça aussi. La culture administrée, l'organisation étatique de la culture, la patrimonialisation, la connivence sociale autour des œuvres, la distinction dont on peut s'affubler parce qu'on aime tel ou tel et que les autres, ils aiment des trucs beaucoup moins bien que ce que nous on connaît. Bon, alors voilà, ça c'est des trucs qui sont toujours assez présents. La distinction par la valorisation de goûts culturels qui sont surtout des conventions, des automatismes de classe ou de groupes sociaux et qui n'ont rien à voir avec la question justement de la qualité de l'œuvre, du sens de l'œuvre, de ce que ça produit. Donc il a vraiment, si vous lisez Maîtres anciens, vous allez trouver des charges assez drôles, non pas contre les œuvres, mais contre un certain rapport à l'œuvre et comment des œuvres peuvent être aussi transformées et abîmées par cet artifice, alors qu'il y a un nom en art, c'est le kitsch, qu'on trouve aussi comme grande thématique chez Kundera. La question du kitsch, c'est vraiment la question qui est plus menaçante que l'absence d'œuvre ou que le manque de... C'est une usure de l'art par l'intérieur, quoi, les contours comme ça, qui est vraiment une catastrophe. C'est comme quand vous dites j'aime la littérature. Ça veut rien dire, j'aime la littérature. Ou j'aime les livres, j'aime la musique. Non, moi j'aime pas la musique. J'aime telle chose, je m'intéresse à ça, mais est-ce qu'un abonnement au concert, aller voir toujours un truc parce que je rencontre les mêmes gens, c'est penser le sens, penser au sens de l'œuvre et du rapport qu'on a avec cette œuvre. Et voilà. Et donc, dès qu'il y a des espaces culturels qui pensent plus, qui ont arrêté de penser ce rapport à l'œuvre, mais qui parlent en termes de grands ensembles, alors c'est le secteur du livre, par exemple. Le livre, c'est pas un secteur, hein, c'est... Il y a un domaine du livre, le domaine des livres, oui, ça c'est quelque chose, mais le secteur du livre, c'est quoi? C'est rien du tout, c'est une construction de l'État, donc c'est vide, c'est du kitsch, il n'y a rien dedans. Ben, les musées, c'est pareil, c'est faire en sorte que sortir les tableaux du musée de cette espèce de compote généralisée de la culture administrée, de la proposition sociale harmonieuse, harmonique, généralisée. C'est ça le travail de l'écrivain, quoi. Il va chercher la singularité du rapport. Donc, tout ce qui est massif, tout ce qui est éducation massive pour faire entrer la bonne culture dans l'entonnoir de l'enfance et des masses, et pour lui, c'est vraiment la catastrophe. Tout ce qui est savoir ostensible, rapport ostensible à la culture, arrogance artistique, vaniteuse, etc. Ça, c'est une destruction aussi de la vie d'esprit. C'est-à-dire, c'est aussi ces gens-là empêchent, prennent les places, occupent des places qui sont pas, qui sont usurpées, quoi. Parce que c'est pas là qu'est l'artiste. Cette question de l'artificiel, c'est aussi une question qui a un rapport avec la publicité dont il parle jamais, donc, sur la question de ce qu'on appelle la com, hein, aujourd'hui, alors la com, la médiatisation, tous ces trucs-là, c'est-à-dire la projection, la projection sur un autre plan de ce que c'est que la substance de la création, ou de la vie, hein, simplement. Alors, cette projection, c'est, par exemple, tout le monde a fait ça, moi aussi, hein, je pars en vacances, j'ai pas le temps de regarder l'endroit où je suis, j'envoie un selfie à mon pote pour lui dire, regarde, je suis là, quoi. Il y a quelque chose qui est plus important dans le fait de ramener des photos de vacances, bon, ça, on sait depuis longtemps, que de passer des vacances. Donc, et puis, même l'effort qu'on se dit, bah, ouais, là, je vais aller en bicyclette à un village, mais je prends pas mon téléphone, hein, t'as vu, je cours trop fort, là. C'est exceptionnellement lâcher cette image, mais comme si c'était aujourd'hui, là, maintenant, c'est difficile, quoi. C'est un effort. Bon, pas partout, heureusement, mais il y a quelque chose qui s'est renversé, là. C'est-à-dire que la question de la place de ce qu'on fait par rapport à l'image qu'on envoie de ce qu'on fait ou qu'on s'envoie à soi-même de ce qu'on fait commence à être fragilisée très sérieusement. Alors, dans Extinction, toujours, parce que je resterai centrée sur cette œuvre-là, mais ça peut se déployer sur d'autres, il y a une attaque en charge de la photographie pour cette raison-là. Alors moi, c'est vrai que c'est très radical sa position sur la photo, sur la question de la photographie. J'aime beaucoup la photo. Enfin, ça m'intéresse la photographie. Je suis nulle en photo. Je coupe les pieds, je prends les plans de travers, tout ça. Mais j'aime bien les photographes. J'aime bien l'art photographique. Ça m'intéresse. Mais la photographie comme écran artificiel sur la vraie vie, c'est une vraie idée forte. Et qu'on retrouve dans Thomas Bernhardt et qui est super intéressante. Alors, je ne sais pas si j'ai gardé un... Je ne crois pas que... Il faut aller lire ça, quoi. C'est vraiment exceptionnel. Alors, la photographie et aussi tout ce qui est, alors, associé au diplôme, la comédie du travail, le fait que les gens parlent de ce qu'ils font, comme si c'était, ils sont super actifs, ils font des trucs, mais le nombre de boulots qu'on a dans la vraie vie là, de tous les jours, on ne sait pas pourquoi on les fait, ça sert à quoi, quel rapport avec la vie réelle, la vie qu'on a envie d'avoir, ça, finalement, ces constructions d'emplois qui ne sont pas du travail, qui sont des emplois, c'est on est employé quelque part, on sert à quelque chose dans un ensemble dont on ne sait même plus ce que c'est, alors c'est très kafkaïen aussi. Ça sert à quoi exactement? Cette comédie du travail, Thomas Bernhardt, il la casse en mille morceaux. Alors, il la casse en mille morceaux, d'autant plus aisément pour lui, c'est que le monde de dans sa littérature, il n'y a pas d'économie. Ça ne l'intéresse pas. Le monde économique ne l'intéresse pas, sauf comme rapport personnel. Donc, quand il travaille, quand il est ouvrier, ou qu'il est à un moment... il travaille, il fait du commerce aussi, il peut vendre des choses, il peut travailler chez des artisans. Ce qu'il aime, c'est le rapport avec les gens. Mais le rapport, l'argent, il n'y a jamais de problème d'argent. Bernard, il n'y a jamais de problème d'argent. L'autre truc qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de problème sexuel. Il n'y a pas de sexualité dans ses livres. Ça n'existe quasiment pas. Ça y est un peu, mais ça n'y est pas beaucoup. Mais l'argent, ça n'existe pas. Ce n'est pas un sujet. Et ça fait du bien aussi de lire des auteurs où il n'y a pas d'argent, quoi. On respire parce que la pensée n'est pas déterminée par le fait qu'on ne va pas finir son mois ou qu'on a trop de fric ou qu'on veut l'investir ici ou là ou qu'on va peut-être partir en vacances ici ou ailleurs ou qu'on va peut-être faire un emprunt pour payer les études de ses enfants. Il n'y a pas ça. Il y a le type, il pense quoi. Il pense tout seul et puis il déplace sa pensée, mais pour manger, on ne sait pas comment il fait. C'est pas grave. Il y en a, il n'y en a pas. C'est pas une question. Et ça, c'est la liberté aussi. C'est sa liberté à lui de faire ce choix. Donc, la comédie du travail. Et puis, à côté de ça, je vais te laisser lire le passage parce que mon page, ça commence... c'est bien celui-là, avec le Noël et tout ça. On découvre les sœurs et tout. Voilà. Ouais. Donc, alors là, vous allez découvrir aussi les sœurs du narrateur qui sont des filles vraiment super. En vérité, il y a plus au monde... Il y a plus au monde que des comédiens qui jouent la comédie du travail et pas de travailleurs. Tout est jeu de comédiens, plus rien n'est vraiment fait. Lorsque j'observais mon père au travail, j'ai très souvent pensé, mais il ne fait que jouer la comédie, il ne travaille pas du tout. C'est exactement la même chose dans le cas de mon frère. Je ne leur reproche d'ailleurs pas de ne faire en réalité que feindre de travailler et faire marcher leur entourage, tout comme le reste du genre humain fait aussi marcher le sien. Mais ils ne devraient pas, me suis-je toujours dit, déclarer à tout bout de champ qu'ils se tuent au travail. Et cela justement pour la famille, par-dessus le marché, et de plus, en certaines occasions, pour la patrie. Je peux bien dire que mon père a toujours fait facilement son travail à Wolfsegg, de même que mon frère, ils ne se sont pas surmenés. En vérité, Wolfsegg est devenu entre leurs mains un Wolfsegg dégradé à tout point de vue. Mon oncle Georges avait raison lorsqu'il m'a dit un jour « Ton père et ton frère sont tout à fait retors ». Devant le monde, ils font semblant d'être les robots de la famille, alors qu'en réalité, ils n'ont fait que transformer Wolfsegg en une scène campagnarde où ils se sentent à leur aise et sur laquelle ils se moquent de nous. Ce n'est pas nous qui les exploitons, ce sont eux qui nous exploitent. Et en plus, nous nous faisons avoir par leur hypocrisie. Souvent, il suffit que l'agriculteur ouvre le portail de sa cour et libère sa conscience en laissant sortir, par ce portail ouvert, quelques grognements de cochons, comme s'il tournait le bouton de la radio et il passe pour honnête et travailleur. Et le genre humain est tellement bête en vérité qu'il se fait avoir par ces méthodes. Des milliers de gens enfilent leur treillis le matin et sont pris pour des travailleurs à plein temps, autrement dit des gens qui travaillent, alors qu'ils ne sont autres qu'une armée de fainéants retors qui ne font que causer des dégâts et ruiner le monde et qui ne pensent qu'à leur ventre, c'est tout. Mais les intellectuels sont vraiment trop bêtes pour voir cela, a dit mon oncle Georges. Pour eux, l'entrée en scène la plus médiocre d'un ouvrier ou d'un artisan paresseux, pourvu qu'il porte son bleu sur la scène du travail entièrement mensongère, est déjà une raison d'avoir mauvaise conscience. Les intellectuels sont des personnages épisodiques, insignifiants et sans la moindre influence dans cette comédie sans scrupules et délétère du travail, où déjà depuis plus d'un demi-siècle, le travail et l'activité sont constamment joués de la façon la plus insidieuse et prétentieuse, si bien qu'on en a tout bonnement froid dans le dos. Mais voilà ce qu'a dit mon oncle Georges. Je n'ai absolument rien contre le fait que les gens ne veuillent pas travailler, que le genre humain ne veuille pas travailler. Il faut seulement qu'il avoue tout à fait ouvertement sa paresse et ne joue pas chaque jour sa répugnante comédie du travail. Cette comédie du travail, ton père et ton frère en sont des acteurs hors pair. Et pour ce qui est de Wolfsegg, ta mère est la régisseuse de l'ensemble. Mes sœurs, je le pense, se sont habituées dès leur petite enfance à un sautillement hystérique dont elles ont fini par faire à l'âge mûr l'une de leurs caractéristiques les plus frappantes. Elles sautillent toute la journée, elles ne marchent pas, elles sautillent de la cuisine au couloir et retour, au salon, comme on l'appelle, et retour. En vérité, elles ne marchent pas, elles sautillent. Je les vois sautiller, rester les enfants qu'elles étaient encore il y a 30 ans, alors qu'en réalité, elles marchent naturellement, mais je les vois toujours sautiller lorsqu'elles marchent. Je ne peux pas les voir marcher sans voir qu'au fond, elles sautillent toujours aussi hystériquement que lorsqu'elles étaient de toutes petites filles, des gamines qui sautillaient toute la journée dans tous les coins de Volsec avec leurs longues tresses. Elles ont 40 ans et grisonnent, et je les vois toujours sautillant. Quand j'étais enfin parvenue à leur échapper, en sautillant, elles me prenaient soudain par surprise et ne me laissaient pas en paix, me ricanaient aux oreilles et me rendaient à moitié fou avec leurs ricanements. Non seulement elles chantaient toute la journée les chansons que justement je détestais, mais tout ce qu'elles faisaient, peu importe ce que c'était, était toujours dirigé contre moi. Comme si elles avaient été procréées par mes parents, tout à fait sciemment contre moi. Elles dansaient sans cesse autour de moi, elles décrivaient des cercles autour de moi, elles se précipitaient sur moi jusque dans mes rêves. Je me suis souvent réveillée d'un rêve où elles voulaient me tuer. Mon frère, elle le laissait tranquille, cela ne les excitait pas de le tourmenter, alors qu'elle n'avait pas de plus grande jouissance que de me pousser au désespoir. Leur attitude à mon égard n'a jamais été que méchante. Elle s'était fait une règle de cette attitude méchante à mon endroit. Je leur ai longtemps été livrée sans recours. Elles m'espionnaient aussi continuellement et se délectaient des châtiments qu'à cause de leur accusation auprès de mes parents, je devais subir de la part de ceux-ci. Elles regardaient avec une joie mauvaise lorsque ma mère me frappait la tête avec le nerf de bœuf, lorsque mon père me giflait. Lors de ces corrections, elles n'avaient pas pu dissimuler leur ignoble ricanement. Je ne saurais dire laquelle de mes sœurs a été la plus diabolique, car tantôt c'était Amalia, était aiguillonnée contre moi par Cécilia, tantôt Cécilia par Amalia. Dès cette époque, le soi-disant sexe faible m'était apparu comme celui qui est en vérité beaucoup plus fort et plus brutal, en ce sens qu'il avait le plus grand plaisir à me tourmenter de façon plus ou moins déchaînée. Le génie inventif de mes sœurs pour me tourmenter était du genre inépuisable. Il avait su produire chaque jour de nouvelles possibilités de tourmenter avec un raffinement toujours plus grand, avec une infamie toujours plus grande. Très tôt, mes sœurs s'étaient conjurées contre moi. C'était elles qu'on croyait, pas moi. C'était leurs paroles qui comptaient, pas la mienne. C'est pourquoi j'ai médité moi-même ma vengeance. Je les enfermais dans le garde-manger obscur, sans air, je les poussais dans l'étang, je leur donnais un tel coup qu'elles tombaient de tout leur long, dans leur blanche robe du dimanche, et qu'elles étaient salies des pieds à la tête et saignaient. La perspective d'un châtiment terrible ne m'empêchait pas de me venger de leur ignominie par l'une ou l'autre cruauté. Je les emmenais dans la forêt et m'enfuyais, les laissant seules dans une angoisse mortelle sans me soucier de leurs cris. Mais les cruautés qu'elles m'avaient infligées avaient été les premières et dès le début plus monstrueuses que les miennes. Sur la photo, je vois très nettement toutes ces cruautés. Leurs visages contiennent leur histoire, contiennent tout ce qu'elles sont. Les enfants cruels sont devenus peu à peu des adultes tout aussi cruels. Enfants, déjà, elles n'étaient pas belles. Adultes, elles sont carrément laides. On ne peut pas vraiment décider laquelle des deux ressemble le plus à son père, laquelle à sa mère. Toutes deux tiennent naturellement tout de leurs parents, en plus vulgaire. À table, elles sont assises comme des poupées, livrées à leur caquetage toujours le même depuis des décennies. Elles s'assoient en même temps et d'un bond se lèvent en même temps. Et quand l'une va au cabinet, l'autre y court aussi. Les femmes ne peuvent pas rester seules, même au cabinet. En hiver, souvent, elles sont assises sur le canapé dans leur chambre et nous tricotent des pulls au vert qui ne vont à personne et qui sont toujours ratés et qui ont toujours été aussi les plus laids que j'ai jamais vus. Ou bien les manches n'avaient pas la même longueur, ou bien le dos était trop large, la taille beaucoup trop étroite, de même que l'encolure, et parfois, et par-dessus le marché, le tout tricoté de façon beaucoup trop lâche et sans soin, car elles n'ont naturellement jamais su se concentrer. La couleur de la laine qu'elles choisissaient pour leur tricot a toujours été du plus mauvais goût. Elles nous forçaient, mon frère et moi, à enfiler ces pull-overs à moitié terminés pour les essayer, et elles les tiraillaient en tous sens et prétendaient que leur tricot était réussi, alors que tout à fait visiblement, il avait été bousillé dès le début par un amateurisme qui passe toute expression. Puis, à Noël, chacun trouvait son horrible tricot sous l'arbre de Noël. Et il fallait le mettre avec les contorsions les plus incroyables de nos corps récalcitrants et l'admirer par-dessus le marché. La nuit de Noël, ils sont toujours tous assis en rond à Wolsec, revêtus des tricots bousillés de nos sœurs, tels des estropiés. Comme si mes sœurs entichées de leurs tricots s'étaient données pour but de nous ridiculiser avec ces tricots de mauvais goût. Comme si, pendant des semaines et des mois, elles avaient forniqué avec la laine. Pendant des mois, en hiver avant Noël, Wolsec était entièrement sous l'empire de la laine. La veille de Noël, nous étions tous fourrés par mes sœurs dans leurs affreuses petites laines et de plus, étions obligés de leur dire un grand merci. J'ai toujours eu horreur des tricots faits à la maison, comme de la cuisine faite à la maison, comme absolument de tout ce qui, dans un ménage, est fait à la maison. les bocaux de conserve sont aussi un cauchemar pour moi. Et à Wolseg, il y avait des bocaux de conserve non seulement dans les gardes-manger, mais aussi dans les chambres, par centaines, sur les armoires. La perspective de devoir, dans les prochaines décennies, manger ces confitures accumulées par ma mère et par mes sœurs dans ces bocaux étiquetés s'était très tôt imprimée en moi sous forme de haine permanente contre toute forme de conserve et particulièrement contre n'importe quelle confiture. Nous avions toujours aussi dans les gardes-manger des centaines de bocaux contenant des cuisses de poulet, de faisan ou de pigeon, dont la couleur jaunâtre me dégoûtait chaque fois que je les apercevais. Même si, avec le temps, on a consommé de moins en moins de conserves et de bocaux à Wolseg, ma mère et mes sœurs ont confectionné de plus en plus de conserves et de bocaux. En fait, du plus loin que je m'en souvienne, elles ont été possédées par une manie de conserves et de bocaux et n'ont pas pu guérir de cette manie. Oui. Alors, vous avez là un exemple type de l'exagération jubilatoire et féroce de Thomas Bernhard, avec un clin d'œil très fort à l'essai sur les femmes de Schopenhauer, où, avec juste cette phrase où il dit « les femmes sont comme ça ». Alors, c'est intéressant chez Thomas Bernhard parce que il assume complètement cette description d'un univers féminin autrichien à une époque quand même. Donc, quand ses sœurs étaient jeunes, le père était à la NSDAP, il avait le costume nazi, la mère était en passe de devenir la maîtresse d'un archevêque de Rome. Spadolini, qui est aussi un personnage super intéressant de ce roman, et donc une ambiance vraiment ultra national-socialiste autour de cette grande propriété très riche, des chasseurs, donc l'opposition chasseurs-jardiniers, où les chasseurs sont vraiment les nazis, hein, et que son frère admire, et lui, il est avec les jardiniers, et ces deux clans en fait s'opposent. Hein. Après je ne raconte pas trop là-dessus parce que c'est un élément très important sur la fin du roman, le déroulement de la fin, mais voilà, on a cette ambiance comme ça. Alors là c'est aussi des bocaux, vous voyez, de chasse, le faisan, tout ça, c'est tout ce qui le dégoûte absolument, alors qu'il parle des bouchers, par exemple la boucherie, comme un artisanat noble, intéressant, utile, avec un savoir-faire. Donc pour lui la chasse c'est vraiment la tuerie, la bêtise, le nazisme, tout ce qui est le pire. Par contre, abattre des animaux pour les manger parce que c'est naturel, c'est normal, c'est autre chose. Donc c'est des petits détails comme ça qui font voir aussi que la question de comment la manière, comment on meurt, comment on vit, comment on regarde la nature, qu'est-ce qu'on en fait, c'est des choses apparemment qui semblent un même ensemble, mais lui, il les distingue toujours. C'est toujours ces petites distinctions entre agriculture, jardin, qui va poser des différences fondamentales, qui va poser la résistance essentiel de l'individu aux formes totalitaires, au nazisme et au pouvoir, aux formes de pouvoir tyranniques. Ça, c'est vraiment important. Alors, sur ces femmes, ses sœurs, sa mère, mais les sœurs en particulier en prennent bien pour leur grade, là, ce qu'il critique avant tout, c'est pas les sœurs, c'est les formes d'aliénation acceptées par des femmes qui sont dans leur rôle et qui ne veulent pas en sortir. Parce que les sœurs, c'est des bécasses, mais c'est des bécasses qui veulent rester comme ça, qui sont là-dedans. Et lui, c'est ça qu'il ne supporte pas, en fait. C'est pas que ce soit des femmes. Il ne pense pas qu'il y a une essence de la femme qui est comme ça. C'est cette éducation de la femme qui produit ça, qui produit ces... C'est très différent. Et il y a un contrepoint très fort dans ce roman, c'est qu'il y a un personnage qui s'appelle Maria, qui est une poète, qui est une figure féminine absolument... C'est une comète, quoi. C'est vraiment une figure féminine extrêmement forte. C'est une artiste femme, seule, séduisante, intelligente, et qui en plus lui sert à devenir qui il est, c'est-à-dire avec qui il est en relation de travail sur ce qu'il fait lui-même, c'est-à-dire des manuscrits, qui lit ses manuscrits, qui critique ses manuscrits, qui le pousse à jeter de manière jubilatoire les mauvais manuscrits. Donc c'est quelqu'un, c'est un alter ego intellectuel et artistique absolument essentiel. Et donc ça c'est très intéressant, fabriquer un personnage comme ça. On retrouve ça, par exemple, cette même idée, on retrouve dans des romans de... comment il s'appelle Jim Harrison, dans Dalva par exemple, dans le roman Jim Harrison, où il y a une poète comme ça qui vient, une femme poète qui vient bouleverser la mélancolie ou l'état dans lequel est l'écrivain, qui vient le secouer, qui vient changer, l'aiguillonner, trouver des choses. Et voilà, donc c'est pas une posture macho ou attachée à cette pensée, ces diatribes complètement incroyables de Schopenhauer sur les femmes, c'est certains comportements féminins qui sont mis sous la lampe. Et moi, je suis assez contente, en fait, qu'ils fassent ça. Parce que c'est un truc qui m'exaspère aussi, les bavardages de filles. Je suis horrible de dire ça, mais c'est vrai, ça m'exaspère vachement. Souvent, je vais bosser au bistrot, j'écris beaucoup dans les bistrots. Et c'est vrai, quand il y a des filles qui partent, qui s'assoient à côté de moi et qui partent sur ces trucs de bavardage de filles, que je sens limitée à ça et tournant toujours sur les fringues, leurs mecs, leur téléphone, le truc le plus étroit, là, comme ça. Et alors, elles ne peuvent pas parler d'autre chose aussi, quoi. C'est ça qui marque, là, c'est dire les tricots, ben oui, c'est bien, mais le tricot, c'est aussi les mecs qui peuvent faire du tricot. Mon père faisait du tricot en Algérie, ça faisait marcher sa tête quand il était appelé là-bas. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas ni féminines ni masculines, mais c'est cette manière des personnages de rentrer dans des figurations, des obligations à être ce qu'on est. Voilà, donc il y a des figures résistantes. Des femmes, quoi. Et dans ce livre, cette Maria, elle est vraiment extraordinaire. Bon, je ne voudrais pas faire trop trop long, parce que je voudrais dire peut-être deux, trois trucs encore. Puis après, on part. Ouais, c'est ça. 10 minutes, ça m'ira bien. Je voudrais donner quelques trucs. En fait, dire pourquoi moi, quand j'écris, Bernard m'intéresse et pourquoi il faut que je fasse attention avec lui. Alors... Il m'intéresse parce qu'il me donne des techniques. Mais ces techniques, c'est toujours le truc du pharmacone, c'est-à-dire ça fait du bien, mais ça ne fait pas du bien non plus. Parce que ces techniques, en tant que telles, si je les applique, je fais du Thomas Bernhard pur. C'est-à-dire que c'est grosse ficelle. Comme quelqu'un qui essaye de copier Céline, ça ne fait pas du Céline. Il y a des choses, on ne peut pas les reprendre telles quelles. Mais il donne des pistes. Et une piste importante que j'ai utilisée de manière plus ou moins habile, mais c'est que quand on parle de choses comme Schopenhauer, un gros morceau comme ça, sur la peinture, qu'on s'exprime sur la peinture, sur l'art, et qu'on dit des choses qui sont des choses qu'on pourrait dire dans un essai, et ben la solution qu'a trouvé Thomas Bernhard et qui marche 100%, c'est de créer un personnage pour le prendre. Parce que si lui, l'auteur, le narrateur, il dit ça, mais il est ridicule. On ne l'écoute même pas. Si c'était le narrateur de Maîtres anciens qui disait tout ce qu'il pense des échecs dans la musique de Bach, les gens ne pourraient pas supporter ça. C'est insupportable. On ne peut pas dire ça comme ça. Mais le fait que ce soit un type de 80 ans qui regarde un tableau et qui dit ça, c'est lui qui le dit. Et après, le narrateur, il peut se positionner vis-à-vis de ça. Donc il emploie beaucoup cette technique, qui est une technique d'écriture, de dire je fabrique un personnage qui va porter les choses que je veux dire, que je pourrais dire dans un essai de philosophie, mais comme j'exagère, parce que sinon les gens ils rient pas et puis ils comprennent pas, et puis c'est mon truc d'exagérer, c'est quelqu'un d'autre qui va le porter et ça peut pas être un essai comme tel. Ce serait pas compris si j'exagère comme ça. Donc il fabrique... Il y a beaucoup d'éléments dans Thomas Bernhard qui sont sous forme très proche de la forme universitaire ou de la forme philosophique, les manières de parler classiques des philosophes de l'art ou des historiens, mais qu'il englobe, qu'il met dans la tête de quelqu'un. Et comme ça, ça va. Comme ça, on peut supporter. Mais si c'est pas dans la tête de quelqu'un, c'est plus difficile. Donc ça, c'est un truc, je l'ai fait un peu. On peut le faire un peu, mais on peut pas le faire comme lui. On peut le faire un peu. C'est-à-dire se dire, là, j'ai vraiment besoin de dire quelque chose qui soit un bloc d'analyse, c'est quelqu'un d'autre que moi qui le dit. Donc ça, c'est bon, Maître aux anciens, c'est le type même du livre qui est construit comme ça. Il y a d'autres choses qui sont qui m'intéressent chez Thomas Bernhard. C'est d'abord un jeu avec des mots drôles. Il y a des mots qui sont pas drôles, il y a des mots qui sont beaux, il y a des mots qui détestent, des formes de phrases qui n'existent pas chez lui. Mais il y a des mots drôles. Alors, des mots drôles, ils sont associés. Parfois, c'est simplement, par exemple, sur le tricot, il y a un truc avec le tricot. Dans le dernier bouquin, il y a une nouvelle dans Goetz-Semmer qui s'appelle Retrouvailles. Alors, je vous la conseille, elle est très courte, mais elle est extrêmement drôle de ce point de vue-là. Il y a des tricots aussi. Donc là, c'était deux amis qui se parlent, et le narrateur raconte des souvenirs de jeunesse quand ils étaient enfants et que leurs parents les emmenaient dans la montagne. Alors, je lis juste ce tout petit passage. « Tes parents avaient une passion pour la haute montagne encore beaucoup plus prononcée que les miens, dis-je. » Mais à nouveau d'une voix sans doute un peu trop forte pour lui, ce qui explique peut-être pourquoi il ne m'a rien répondu. Sur quoi je poursuivis que ses parents avaient toujours mis des chaussettes en laine vert pomme, pas comme les miens qui portaient des chaussettes en laine rouge vif. Ses parents avaient toujours mis ses chaussettes en laine vert pomme afin de se fondre dans la nature, tandis que les miens mettaient toujours des chaussettes rouge vif afin d'être remarqués. Ses parents avaient toujours martelé que c'était leur intention de ne pas se faire remarquer dans la nature, tandis que mes parents martelaient toujours que leur intention était de bien se faire remarquer dans la nature. Ses parents avaient sans cesse répété, dis-je, qu'ils portaient ses chaussettes vert pomme pour ne pas être trop voyants, tandis que mes parents répétaient sans cesse qu'ils portaient leurs chaussettes rouge vif pour qu'on les voit bien au contraire. Et ses parents défendaient leur choix de chaussettes vert pomme avec la même obstination que les miens, leur choix de chaussettes rouge vif. Et à tout instant, continuais-je, nos parents rappelaient qu'ils avaient eux-mêmes tricoté ses chaussettes vert pomme et rouge vif. J'ai toujours vu ta mère en train de tricoter ses chaussettes vert pomme, dis-je, et les miens, ses chaussettes rouge vif, comme si ma mère n'avait rien d'autre en tête à la tombée du jour que de tricoter ses chaussettes rouge vif, et la tienne de tricoter ses chaussettes vert pomme. Et pour aller avec ses chaussettes vert pomme, dis-je, tes parents portaient toujours des bonnets vert pomme, et les miens des bonnets rouge vif. Et c'est vrai, lui dis-je, qu'à ce qu'il paraît, on retrouve plus facilement des personnes accidentées en haute montagne lorsqu'elles portent des chaussettes et des bonnets rouge vif. Mais il ne me répondit pas. Ses parents m'avaient toujours témoigné une certaine méfiance, dis-je. Ils ne m'avaient jamais ouvert qu'avec méfiance la porte de leur maison. Alors, je vous lis juste cette phrase-là pour montrer les articulations que fait Bernhard. C'est encore un truc intéressant. C'est que là, c'est une forme fuguée. Il a introduit son thème, les bonnets, les trucs. Et puis, d'un coup, il y a un thème et un autre thème qui rentre. Et ce thème, il le fait rentrer par ses parents, dont il a parlé un peu plus haut. Ses parents m'avaient toujours témoigné une certaine méfiance, et il n'y a aucun rapport entre les deux phrases. Il termine sur bonnet rouge vif, mais ne me répondit pas. Ses parents m'avaient toujours témoigné. Et là, vous voyez, il fait entrer un nouveau thème. Et il va croiser ensuite les deux thèmes. Voilà. Et c'est la fugue. C'est la fugue. Et parfois, il y a un troisième qui arrive. Fugue à trois voix, fugue à quatre voix. Et ça, c'est magistral. Et c'est drôle en plus, parce que ça fait des effets de rupture. Donc la tension, elle est... On est dans une attention où, d'un seul coup, on pense qu'on est sur les bonnets vert pomme, et puis d'un coup, paf, il y a un nouveau thème qui arrive. Ça, moi, c'est grand art, quoi. Alors, on ne peut pas vraiment se dire « je vais faire pareil », parce que on ne peut pas faire pareil, ça n'a pas de sens, mais on peut se dire « ah, j'ai appris quelque chose, là, j'ai une leçon, quoi. J'ai une leçon d'écriture, puis une leçon de musicalité du texte, de beauté du texte, quoi. Vraiment l'imaginaire... au sens de qu'employait Kant dans l'idée esthétique, quoi. C'est nourri d'imaginaire. Alors, autre point qui est important, donc les mots beaux, les mots pas beaux, les mots qu'il aime, y a un mot qu'il aime, par exemple, qui est très drôle. Au début, alors je vais faire vite aussi, je vais essayer, des manches pas chères, qui est super petit livre, extrêmement drôle, assez beckettien dans l'expression, dans la forme, dans l'ironie, moi je trouve que ça ressemble. Enfin, je pense qu'il a. C'est pas par hasard qu'il a vraiment mangé du Beckett avant de l'écrire. Là, je vais vous donner juste un très court extrait, mais parce que je voudrais vous faire percevoir la drôlerie du mot et la forme, la phrase, l'entrée dans la phrase, et comment on rentre pas comme ça chez lui. Sur le chemin qu'il empruntait depuis des semaines vers le soir, et depuis trois jours régulièrement, vers 6 heures du matin aussi, aux fins d'études, jusqu'au Wertheim-Steinpark, où, eu égard aux conditions naturelles idéales qui régnaient précisément au Wertheim-Steinpark, il avait, dit-il, pu revenir, après une longue période, d'une pensée parfaitement sans valeur concernant la physiognomonie, à une pensée utilisable et même, en fin de compte, incomparablement utile. Et donc, à la reprise de son écrit, que dans un état d'incapacité à toute concentration, il avait laissé en plan depuis le temps le plus long déjà, et dont l'aboutissement, disait-il, conditionnait finalement un autre écrit, dont l'aboutissement conditionnait de fait un autre écrit, dont l'aboutissement conditionnait un quatrième écrit sur la physiognomonie, reposant sur ces trois écrits qu'il fallait absolument écrire et qui conditionnaient son travail scientifique futur et subséquemment son existence future tout court. Il était allé tout à coup et le plus soudainement du monde, dit-il, non pas comme il en avait déjà l'habitude vers le vieux frêne, mais vers le vieux chêne. Et de ce fait, on était venu à ce qu'il appelait les manches pas chères, avec lesquelles, pendant de nombreuses années, les jours de semaine, et donc du lundi au vendredi, à la cantine publique viennoise, et donc à ce qu'on appelle la CPV, et plus précisément à la CPV de la Döblinger Hauptstraße, il avait mangé pour pas cher. Point. Donc, voilà, je ne sais pas, ça fait une trentaine de lignes. Donc, là, on est... bon, allez-y, rentrez, quoi. C'est, voilà. Et après, alors bien sûr, il y a, après la tempête, il y a le calme, c'est plus court. C'est... Mais ça, c'est très intéressant parce que à la fois, il y a l'humour, la physiognomonie. Alors, pour ceux qui ont oublié ça ou ne savent pas, c'est un truc, c'est une partie des. C'est une sorte de science qui n'a pas eu, heureusement, de devenir très long, mais qui a été. Qui est fondée sur l'idée que par l'apparence physique, on peut savoir ce qui se passe, qui sont les hommes. En fait, on pense que l'apparence physique d'une personne est un révélateur de la personnalité, du social, etc. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire de physiognomonie, c'est que l'inventeur de cette idée, et celui qui a écrit les traités là-dessus, c'est pas d'abord des gros fascistes italiens, comme ça a été le cas plus tard, mais c'est un ami de Goethe, qui était théologien un petit peu perché, un petit peu très très très mystique, perché, magie, tout ça, enfin un peu spécial, qui s'appelait Lavater, Johann Gaspar Lavater, et qui a écrit un essai sur la physiognomonie destinée à faire connaître l'homme et à le faire aimer. Donc on a une perspective qui est à la fois un peu fantaisiste, mais qui est dans l'idée de connaître. L'idée de connaissance est là. Et ça disparaît par la suite quand il y a toute une partie de la criminologie qui va s'intéresser à la description des faciès et faire des catégories alors complètement raciales, etc., pour essayer d'avoir un portrait type du criminel, à quoi ressemble un criminel. Donc là, il y a en particulier le bouquin d'un Italien qui s'appelle Cesare Lombroso, qui a écrit un truc qui s'appelle L'homme criminel, et qui est voilà, qui fonde encore aujourd'hui la manière dont on fabrique des portraits robots, etc. Voilà, donc je vais m'arrêter là, mais ce genre de choses m'intéresse beaucoup chez Bernard. Chez Bernard, c'est le choix des mots, le choix des le truc fantaisiste avec la pensée compliquée, hein, et qui est pas voilà faire entrer des termes drôles comme ça, qui surgissent d'un coup dans une phrase qui apparemment est plutôt ordinaire, quoi. Voilà, qu'est-ce que ouais. Bon, peut-être je peux m'arrêter sur ce truc un peu bizarre de physiognomonie et puis on parle avec ce que vous pourriez dire de plus. Je pourrais ajouter un truc aussi qui m'intéresse pas mal, c'est qu'il y a les phrases sont construites de manière binaire, c'est toujours en opposition. Je suis comme ça, mon frère est contraire. C'est toujours des oppositions entre le nord-sud, ça marche comme ça, c'est binaire. Il n'y a pas de trois temps, il n'y a pas de synthèse, il n'y a pas d'esprit de dialectique au sens où il n'y a pas de possibilité de synthèse. C'est soit l'un, soit l'autre, et tout est expliqué par opposition comme ça. Donc l'oncle Georg, là, Georges, dont elle parlait tout à l'heure, c'est l'oncle qui est opposé à cet endroit, Wolzeck. C'est par lui qu'on voit. C'est toujours l'opposition, toujours absolue. Il n'y a pas de. mais c'est pas hegelien dans le sens où il y a pas, c'est pas ça qui fait avancer l'histoire, c'est ça qui fait voir plutôt ce qui est historiquement mort, quoi, qui est nul, qui est inintéressant, l'État, le pouvoir, l'argent, la bêtise des gens, l'agriculture, toutes ces choses qui sont pour lui des états dramatiques. Puis chose que j'ai pas du tout développée, c'est qu'il y a aussi une philosophie du suicide, une compréhension, tout un travail littéraire et de compréhension de ce que c'est que les situations suicidaires qui sont liées, pour Thomas Bernhard, non pas à des pulsions, je ne sais pas quoi, mais qui sont clairement liées à l'environnement et clairement liées à cette puissance de destruction de l'homme par une éducation perverse, par l'État qui intervient à mauvais escient et par le fait qu'on perd contact avec l'enfant, la nature d'enfant qu'on est. Et qu'on ne peut plus être. Et ça fait trop souffrir. Donc, on disparaît, on préfère se tuer que supporter cette perte-là. Et je trouve que c'est vrai. J'aime bien cette manière d'analyser, quoi. Voilà. Merci.